partira de l'espoir plein les yeux. Quand tu partiras sans un signe d'adieu, tu penseras peut-être au temps des jours heureux, quand on avait en tête des projets fabuleux. Mais tu partiras quand même, les discours seront vains. Tu partiras quand même pour tracer ton chemin. L'hiver sous la neige, en plein soleil d'été, tu partiras quand même, même s'il faut tout briser. L'amitié d'autrefois.